Audiomatique. Afin que la transmission 259 puisse être reconnue comme ayant débuté, nous l'avons introduite avec le duo britannique Left Field et la chanson Original sur laquelle collabore la chanteuse Tony Holiday du défunt groupe Curve. Cette pièce est tirée du premier album de Left Field intitulé Leftism et paru en 1995. À Audiomatic, nous aimons les pièces qui se dégustent lentement et longuement, et c'est justement ce que nous propose la formation Archive avec sa pièce Again. You're tearing me apart. Crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. If I was to walk away, cette séquence musicale composée d'une seule pièce était l'œuvre du groupe Archive. On entendait la composition Again, tirée du troisième album You All Look the Same to Me, album paru en 2001. Vous êtes toujours à Audiomatic avec les sonoristes qui vous présentent à l'instant le projet suédois Fever Ray. Vous venez tout juste d'entendre à Audiomatic le projet Neutronic mené par Dominic Stark, qui œuvre également sous le pseudonyme MK Ultra. De son projet Neutronic, nous vous présentions la pièce LP Part 1, qui a été ici reconstruite par le duo Gridlock. Cette version se retrouve sur la compilation Quadrophobia Volume 1, tandis que la pièce originale, elle, est parue sur le premier album de Neutronic qui s'intitule Last Year's Product et qui a été lancé en 1998. Et en début de séquence, il s'agissait du projet suédois Fever Ray et de sa composition Coconut qui a été enregistrée en concert dans la ville de Luleå en Suède et qui est parue sur l'édition de luxe du premier album homonyme de Fever Ray. Toujours à Audiomatic, allons-y maintenant avec une pièce de la formation Morphine. Cells before the oxygen is gone. ever see. Quiet it is for a different sound. Make a break this side of town. C'était le groupe New Order et sa pièce Times Change apparaissant sur l'album Republic sorti en 1993. Album qui marquera d'ailleurs le début d'un temps d'arrêt pour cette formation née des cendres de Joy Division à la suite de la mort de Ian Curtis en 1980. Donc, le hiatus dura de 1993 à 2001. Année où New Order reverra le jour avec l'album Get Ready, et il est à noter également que le groupe est encore actif aujourd'hui. Avant New Order, nous écoutions la formation Morphine et sa pièce Rope on Fire, apparaissant sur l'album The Night. Cet album, paru en 1999, constitue la dernière parution originale du groupe alors que la même année, son chanteur Mark Sandman est mort sur scène durant un spectacle en Italie. Les sonoristes mettront un terme à cette transmission 259 d'Audiomatic avec la collaboration entre le projet Slide et le projet Lumen, qui nous interpréteront leur composition Vanishing Point, qui est disponible sur la compilation Translucent Uplifting Trance. La transmission 260 d'Audiomatic prendra forme mercredi prochain dès 17h, toujours en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM dans la ville de Trois-Rivières au Québec. Entre-temps, il est évidemment toujours possible, peu importe votre localisation, de consommer la musique diffusée durant les transmissions d'Audiomatic en accédant à nos archives sur nos profils mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic CFOU. Voici donc Slide and Lumen et la pièce Vanishing Point. C'était Audiomatique avec les sonoristes.